pour m'être tant blessé. Pour m'être tant blessé dans toutes les demeures, n'ai-je pas moins de bleu que de gris ou de noir? À mon sein, faible et nu, cogne le désespoir, qui ne sait rien du jour, qui n'entend rien des heures. Quelles heures? Le temps piétina les meilleurs, et demain tend déjà son ignoble miroir, comme s'il me fallait, de trottoir en trottoir, ne croiser que mon ombre et mes quêtes mineures. J'aurais pu. Les regrets malfaisants tachent de sang amer le canevas des ans. À ma montre, il est tard et l'aiguille elle-même semble ne point savoir ce qui l'a fait courir. Face à la brume, au deuil que chaque douleur sème, mon Dieu, ce n'est plus vivre et ce n'est pas mourir.